Le 5 mai 2006, Maison de la Radio. On est allé écouter Roméo et Juliette. Sympa. Mais le mieux, c'était le métro. L'allée, on était au carré, Paco, Paul, moi, Cassie. Et les autres étaient au bar et parlaient pendant que Paco et Cassie faisaient des jeux à la con. Ce qui est très dur en diagonale et se tapait très souvent. Au spectacle, on s'est retrouvés comme ça. Paul, moi, Chris, Paco, Luc, Cassie, Zélie, Joe. Puis on a fait une petite bataille d'eau. En fait, ça a commencé comme ça. J'étais avec ma bouteille et j'ai regardé Joe en disant « J'aimerais bien, mais ça va dégénérer. » Et je l'ai rangé. Johanna s'est emparée d'une bouteille et c'est parti en freestyle. Mais au final, Joe a été très peu mouillé, quasi pas du tout. Et ça s'est fini entre moi et Paul. Parce que quand il a voulu boire, j'ai tapé dans la bouteille et il s'est pris quelques gouttes. Il m'a poursuivi un moment avec sa bouteille et je me suis retrouvée trempée. Retour de métro, bondé, chaleur. On était tous entassés sur une barre au début et chacun pour soi était là pour garder sa place. Finalement, on a tous migré à la deuxième barre. Paul, Merlin, Zélie, Joe et moi, nous nous tenions à la barre et Luc, Paco et Cassie étaient contre les portes toujours fermées. Et à chaque perte d'équilibre, Joe et moi, on se retrouvait sur les genoux de Mathilde et Élise. En fait, après, Zélie a bougé. Et Paul s'est adossé à la barre, donc plus aucun moyen de se tenir. Alors je devais me raccrocher à Joe et Paul. Nous avons chanté l'International pour foutre la honte à Monsieur B. C'est la lutte finale contre nous et demain. L'International sera le genre humain. C'est la lutte finale. Super sortie. Je me souviens plus trop du reste. Ma sœur est arrivée lundi et je ne l'ai pas beaucoup vue. Elle est admise à ses examens oraux, c'est cool. Demain, fiesta! J'ai mal au dos. Enfin, continuons. Que voudrais-tu qu'on publie ici? Il n'y a rien à dire, faut suivre.